Bonjour. Bonjour. Alors, ton prénom c'est ? Marie-Hélène. Marie-Hélène, et toi tu es dans l'enseignement ? Oui, je suis enseignante dans un collège là, dans la commune limitrophe à celle de Saint-Étienne-du-Rouvray. Hier, tu animais le blocage du rectorat de Rouen ? C'est ça, on était nombreux et déterminés. Et donc voilà, aujourd'hui on a prévu avec l'Interpro de venir soutenir la mobilisation au centre hospitalier du Rouvray. Pourquoi ? Parce que voilà, on est conscient que c'est une lutte qu'on mène toutes et tous ensemble, que c'est un établissement de santé qui a été particulièrement touché ces dernières années par des réductions d'effectifs, qui a mené une lutte emblématique en 2018, une grève de la faim de plusieurs 7 salariés qui avaient arraché une victoire et qui aujourd'hui se retrouve confronté en fait à une trahison de ce qui avait été, acté par cette victoire. C'est-à-dire que les salariés sont confrontés aux mêmes soucis que ceux avant la grève de la faim. Et donc aujourd'hui, c'est un peu difficile au niveau effectivement de l'ambiance et du moral dans cet hôpital. Et voilà, on pensait que ça valait le coup de venir nombreux et nombreuses ce matin, montrer que il faut rien lâcher et que on peut aujourd'hui reprendre confiance dans la lutte collective. C'est ce qu'on fait depuis le 5 décembre. Oui, parce qu'il y a une énergie qui ne faiblit pas du tout sur cette lutte. Tout à fait. On le voit tous les jours. Il se passe plein de choses. Il y a des actions de manifestations, de blocages économiques. Il y a des débrayages, il y a des piquets de grève. Donc le soutien de l'opinion, il est toujours là. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on soit là. C'est très nombreux. D'ailleurs, on est très nombreux et nombreuses. On lâche rien. On lâche rien. Merci.